aéroport, aérogare, mais pour Toulon m'en aller. C'est le blues, le coup de cafard, le check-out assuré. Vient la nuit et sonne l'heure, et moi je meurs. Entre apathie et pesanteur, où je demeure. Changer d'optique. m'en aller. C'est le blues, le coup de cafard, le check-out assuré. Vient la nuit et sonne l'heure, et moi je meurs entre apathie et pesanteur. Où je demeure, changer d'optique, prendre l'exit et m'envoyer en Amérique. Sex appeal, c'est Sunset, c'est Marlboro qui me sourit. Mon amour, mon moi je, c'est qu'il existe. La chaleur de l'abandon, c'est comme une symphonie. De l'asphalte sous les pieds. Vient la nuit, c'est la jet lag qui me décale. Et l'appétit me donne un blâme, c'est pas le drame. Se faire un trip, s'offrir un strip sous le soleil en plein midi. 6 AM, je suis offset, je suis l'ice dans l'eau, je suis mélodie. Mon amour, mon ressort, mon artifice. La chaleur du canon, c'est comme une symphonie. Et voilà, c'est fini, maintenant tu peux faire du bruit. Tu peux mettre la disto et t'envoyer en l'air. Moi j'ai fait mon morceau, je suis content. Vilaine fermière.